Mondial 2018, c'est parti. Et oui, coup d'envoi de la 21e Coupe du Monde cet après-midi en Russie à suivre à 17h heure française. Le premier match de la compétition, la Russie affronte l'Arabie Saoudite dans le groupe A. Demain, rencontre très attendue, Portugal-Espagne dans le groupe B. L'Espagne qui s'est séparée de son sélectionneur hier. Julen Lopetegui venait d'annoncer son départ pour le Real Madrid après le tournoi. Pour la France, dans le groupe C, il faudra attendre samedi midi, ce sera face à l'Australie. Dans le reste de l'actualité ce matin, cette nouvelle preuve de vie de Sophie Petronin. Il s'agit d'une vidéo de 7 minutes dans laquelle apparaît l'otage française de 75 ans, enlevée il y a un an et demi au Mali où elle dirigeait une association d'aide aux orphelins. Elle s'adresse à son fils ainsi qu'à Emmanuel Macron. Rien ne permet de dater le film, mais Sophie Petronin affirme que l'enregistrement a été réalisé il y a une semaine. Dernière ligne droite pour la réforme ferroviaire. Hier, le projet de loi a été voté en dernière lecture à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est le Sénat qui doit l'adopter définitivement. Les syndicats de cheminots veulent poursuivre le mouvement jusqu'au 28 juin, dernier jour du calendrier des grèves. De leur côté, la CGT et FO appellent à une journée de mobilisation nationale. L'heure est au bilan après les orages de ces derniers jours. Il ne reste plus que 12 départements du nord-ouest et du sud-ouest en vigilance orange pour des risques d'inondation. Le temps est à l'accalmie, mais les dégâts sont considérables par endroits, principalement dans les Pyrénées-Atlantiques. Des centaines de foyers sont privés d'électricité. Des dizaines de personnes ont dû être relogées. Certaines communes sont toujours submergées par les eaux. La crise se poursuit entre Paris et Rome. L'Italie exige des excuses de la France après les critiques d'Emmanuel Macron concernant le sort des migrants de l'Aquarius. Hier, le ministre italien des Finances a annulé la rencontre prévue avec son homologue français Bruno Le Maire. Et demain, c'est le nouveau chef du gouvernement Giuseppe Conte qui pourrait tirer un trait sur sa venue à l'Elysée. Un mot de tennis, Marion Bartoli jette l'éponge. La Française annonce qu'elle renonce à revenir dans la compétition en raison de douleurs physiques. Elle souhaite désormais se consacrer à l'entraînement d'un ou d'une joueuse. La météo, on le disait, 12 départements sont toujours en vigilance orange inondation ce matin. Aujourd'hui, le temps restera instable. Il pleuvra encore sur les Pyrénées dans la matinée. Quelques gouttes sont également possibles le long des côtes de la Manche. Ailleurs, on attend globalement de belles éclaircies en début de journée. L'après-midi, le ciel se voilera progressivement à nouveau du sud-ouest au nord-est avec un risque d'averse des pays de la Loire à la frontière belge. Les températures ce matin, elles sont fraîches pour la saison. 10 degrés à Cambrai, 12 à Colmar, 13 à Lyon, 14 à Paris et au Mans, 15 à Avignon et Mimizan, 18 à Bastia. Cet après-midi, on attend 18 degrés à Rennes, 19 à Amiens et Épinal, 21 à Orléans, 22 à Montauban et 25 à Nice. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bienvenue, c'est jeudi matin, on est ravis de vous accueillir avec Chaka Pong. Voici My Name is Stain sur RTL 2. I'm Stain, my name is Stain. Sharing guns and Chaka Ponk, My Name is Stain. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. C'est peut-être mieux. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. La, la, la, la, la, la, la, la, la. 6 d'entrée de jeu, on est à très fond. Hein. Ouh là là là là, on est dedans. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous, allez les bleus. On est le jeudi 14 juin, tout va bien ce matin, on est ravis de vous accueillir à bord du double expresso RTL 2, évidemment du son pop rock, Aerosmith, Texas, Super Trump, mais évidemment, évidemment, c'est la Coupe du Monde qui commence. Ah oui, alors du coup on s'est dit qu'on allait repartir comme... Ça a été beaucoup célébré hein, les 20 ans de la victoire de France 98, c'était ouais. Normal qu'on ouvre Gloria Gaynor ce matin. Bien sûr. Logique. Lui, il était à peine né, hein, Jonathan Donnel, bonjour. Il était à peine né, une douzaine d'années, bon ah, ça bah, allait comme quand Juju, même. Ça va, bonjour, bienvenue. On avait un peu rodé. Hein. Mais on se souvient où on était quand même. Ah ouais, ouais. Ouais. Toi t'étais où? J'étais avec mes parents, j'avais été voir la Coupe du Monde en plein centre-ville de Nantes. Ah oui, d'accord. La finale. Moi j'étais devant la télé. Ouais. C'est tout ce dont je me souviens. Moi j'étais avec mes potes étudiants parce que j'étais à la fac à ce moment-là. Ah oui, vous étiez déjà. Ah bah oui, tu sais, 10 ans de plus que vous. Ah, bonjour Jérémy. Bonjour l'équipe. Toi t'étais où? Dans un bar, je m'en rappelle très bien. Ah bah évidemment, tiens, voilà. ça m'étonne pas. Ah bah bravo. Hein. Quelle réputation. Et bonjour Max, ça. Notre salut. Community manager, bon. T'étais où? Moi j'étais chez un pote et après on était fêté ça en scooter. On a fait des rodéos arrière avec la meule. Oh, c'était bien. On n'avait pas de voiture. Aujourd'hui, c'est la Saint-Élysée et c'est le début de la Coupe du Monde. On est ravis de vous accueillir dans le double expresso RTL 2 avec Super Tramp et The Logical Song. Merci d'être avec nous. Il est 6h07. Sensible, logical, responsible. Camp et The Logical Song dans le double expresso RTL2 à 6h11. Vous aurez rendez-vous avec votre horoscope à 6h25, 6h35, le premier winner du jour. Il y aura le tube de la brosse à dents à 6h45 et le top 3 de Jonathan. On va faire une spéciale Coupe du Monde, on va parler foot, mais sans vraiment parler foot avec Justine. Oui, ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas le foot, si vous n'intéressez pas à la Coupe du Monde, ça va être rigolo. Hein. Oui, ce sont des petits chiffres plutôt sympatoches. D'ailleurs, la première info expresso, on va vous donner des astuces. Comment vous allez vivre cette Coupe du Monde? Nous, on le sait et on va vous le dévoiler. Pour le son pop rock, ce sera... T'es un romantique. Ah, je suis un tendre. Aerosmith, I don't want to miss a thing. Allez sur la page Facebook de l'émission, vous allez voir la photo. On est aux couleurs de l'équipe de France. À tout de suite sur RTL2. Lorsque vous écoutez Gossip, vous êtes sur RTL2. Ed Sheeran, c'est le son pop rock RTL2. Oasis. C'est forcément RTL2. RTL2. Le son pop rock. Peugeot Occasion, allez-y les yeux fermés. Lorsqu'on achète une voiture d'occasion, on veut être sûr de faire le bon choix et au meilleur prix. C'est pour cela que les véhicules Peugeot Occasion bénéficient de 100 points de contrôle. Et vous avez 10 jours pour changer d'avis. Alors allez chez Peugeot Occasion en toute sérénité. En ce moment, bénéficiez de l'éco-reprise Peugeot de 1000 euros sur une sélection de véhicules sous condition de reprise cumulable avec la prime à la conversion de l'État. Voir conditions en point de vente ou sur occasiondulion.com. Je suis la super remise de chez Castorama et avec mes copines du rayon cuisine, on a une nouvelle qui va vous mettre l'eau à la bouche. Pas vrai les copines? Oui! Jusqu'au 2 juillet, Castorama vous offre 20% de super remise sur les caissons et les meubles de cuisine. Oui, 20% pour tous vos projets cuisine. Mais c'est seulement jusqu'au 2 juillet, alors pas de temps à perdre. Castorama, ensemble on peut tout faire. Offre valable sur les façades et caissons de cuisine, hors commande en cours, Kitchenette, Cuisine All In, Spicy et Prima Light. Voir conditions au magasin. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Vincent est militaire. Quand il part en mission, c'est souvent pour plusieurs mois. Pour garder le contact avec ses proches, ses appareils numériques lui sont indispensables. Voilà pourquoi chez GMF, nous assurons vos tablettes, ordinateurs portables et smartphones en cas de bris ou de vol, où que vous soyez. Et en ce moment, chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance habitation Domopass jusqu'au 30 juin. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et coordonnées de l'assureur en agence GMF et sur gmf.fr. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain. Grass all rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home. matin de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL 2. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. Moment forever. To miss a thing dans le double expresso RTL de 6h20. L'info expresso du double expresso RTL 2. En cœur, en commun, une info expresso avec Justine qu'on a trouvé avec un sondage et des chiffres qui nous ont été transmis par Rue du Commerce, le célèbre site internet. Justine, on va parler foot mais de manière décalée. Bien sûr, on parle de la Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui. Et sachez que la Coupe du Monde n'intéresse pas que les hommes. Ah oui, bien sûr. Bah non, la preuve, hein, moi toi, ça m'intéresse. Toi tu vas regarder. Je suis pas une pro foot. Clairement, je regarde regarde les matchs que de l'équipe de France et encore. Mais là, la Coupe du Monde, je suis. Non, disons que tu vas faire. Est-ce que tu vas faire, par exemple, la tactique de Madame Achère? C'est du genre, je regarde les Bleus sûrs à partir des quarts de finale et un petit peu, je m'intéresse avant. Moi, je regarde tous les matchs de l'équipe de France, c'est sûr. D'accord. Et 33% des femmes vont s'intéresser à la Coupe de France. La Coupe du Monde. Coupe de France, moins quand même. Hein. Le football, c'est un moment de partage. Je vous avais demandé tout à l'heure où est-ce que vous avez regardé la France 98. On va regarder à la maison pour 87% d'entre nous, dans un bar pour 9% et au travail pour 4% d'entre nous. C'est vraiment au domicile. Et d'ailleurs, nous, on regarde ça chez Grégory Achard la semaine prochaine. Oui, oui. Ah, venez tous. Ah, je vous mets l'adresse sur la page Facebook. Yeah. Et les Français, ils supportent qui? Alors, forcément, ils supportent l'équipe de France à 94%, mais pas que. Ah ouais. On a 17% l'Allemagne, 16% le Brésil et 16% l'Espagne. Ok. Voilà. Et alors, vous allez regarder ça avec qui? Vous savez, avec qui vous allez regarder, vous? Principalement les copains. Moi, je mes pense. Copains aussi. Et bah, c'est la famille en premier. Hein, Jérém, forcément, regarder ça avec nos enfants. Moi, j'ai regardé ça avec tes enfants. C'est bizarre cette phrase. Hein. 48%. Entre amis, 33%. Et 13% seul. J'aime bien regarder un match seul. Ah, moi, ouais. C'est bien aussi. J'aime bien regarder seul. Oh non, la Coupe du Monde. Si, j'aime bien regarder seul. Mais de la temps Coupe en temps. Du Monde, ça se partage. Non, j'aime bien. Oh, et alors, sachez que vous allez vous équiper avec barbecue, télé et canapé. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien dans votre salon. Voilà. Ça fait 4 ans que votre femme râle. Oui, il faut changer la télé et le canapé. Disiez non. Et là, c'est l'occasion. Il y a beaucoup de personnes qui achètent une télé exprès pour des événements sportifs comme ça. La technologie, c'est fou, ça avance. Voici Texas, ça sonne la nouvelle chanson Midnight sur RTL 2. C'était Midnight sur RTL2, 6h25. Bonjour, vous ouvrez les yeux avec nous. Voici l'horoscope du jour. On commence avec les médailles de bronze, Justine, et les béliers. Vous vous énervez facilement, pas besoin de crier pour vous faire entendre. Relila, vas-y, tu es bélier. Arrête, je suis pas du tout de mauvaise humeur en plus. Non, c'est vrai, les lions. Vous êtes souvent en retard, ne jouez pas trop les nerfs de votre entourage, avec les nerfs de votre entourage. Médaille d'argent pour les taureaux. Votre vie est pleine d'action ces derniers temps, mais vous aimez ça. Cancer. Vous êtes très présent pour vos proches, vous êtes toujours à leur écoute. Nous avons les vierges. Vous mettez l'ambiance autour de vous, votre bonne humeur fait du bien aux autres. Les balances. Vous vous sentez bien dans votre corps, le sport vous vivifie ça. Scorpion. La chance vous sourit, tous vos projets sont en passe de se réaliser. Sagittaire. Vous avez la tchatche, votre répartie vous sert à vous tirer de toutes les situations. Capricorne. Vous faites attention à votre apparence et ça vous réussit, vous êtes radieux. Verseau. Vous avez du pain sur la planche, mais il en faut plus pour vous impressionner. Les poissons. Vous êtes à l'écoute de votre entourage, cela vous permet d'être très facile à vivre. Et la médaille d'or. du jour, c'est pour... Les Gémeaux. Ouh. Votre journée se déroulera sans aucun accroc. Laissez-vous porter et profitez. Mais oui. Bonjour à tous, bienvenue dans le Double Expresso RTL2. Aujourd'hui, c'est le jour d'ouverture de la Coupe du Monde. On fête ça avec plein de chiffres insolites, des news, des trucs assez rigolos. Et le winner du jour, évidemment, sera là à 6h35. On écoutera Bad Vols et Supergrass sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Calogero. Harry Styles. Vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à diffuser Caléo. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je viens de voir l'annonce BMW Série 1 M Sport Ultimate à 295€ par mois. Oui, et sans rien à ajouter. Mais le prix, c'est pas celui du super modèle en photo, là? Si, c'est celui de la BMW que vous voyez. Sans aucun apport? Aucun, avec tout l'équipement indiqué, mais aussi l'entretien et l'extension de garantie inclus. Ça, c'est 100% clair. Découvrez la BMW 1/16i M Sport Ultimate à 295€ par mois sans apport pendant les BMW Speed Dates. LLD 36 mois, 30 000 km jusqu'au 30 juin. Détails sur bmw.fr. Speed dates, rencontre rapide. Écoutez l'effet d'un arrivage anniversaire trop fort, Brico Dépôt. 399€. 399€? Eh oui, la porte de garage motorisée blanche, 2,40 m de large, est au prix exceptionnel de 399€. 399€ pour cette porte de garage très isolante et fonctionnelle, avec sa fermeture en 15 secondes et ses deux télécommandes. Ça, c'est trop fort. Ah oui, c'est fort. Mais vous n'en faites pas un peu trop? Ben, c'est nos 25 ans quand même. Dès demain matin, 7h, en quantité limitée. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 6 490€. C'est une 5 portes? Oui, 6 490€ avec 5 portes et vitre avant électrique. Et elle bénéficie de la prime à la conversion? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres? Elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 6 490€, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin sur Panda 1 litre 2, détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. RTL2. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, vous allez être vert. Ah oui, et vert comment? Ben, vert courgette, hein, parce que demain et après-demain chez Lidl, le kilo de courgette est à 1,29€. 1,29€ le kilo de courgette? Mais c'est pas possible ça. Ah si si, et en plus des courgettes origine France grillées au barbecue, moi je suis fan. Et vous patron? Non, et t'arrêtes de me courir sur le haricot avec ces courgettes, ok? Parce que là, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Vendu en vrac, catégorie 1, calibre 14-21, origine France. Mercedes-Benz. Alors, tu le veux où ce tatouage? Sur l'épaule. Pas de problème, Cécile, dans un cœur sur l'épaule. C'est qui cette Cécile? Ma copine. Ça fait combien de temps, vous deux? On s'est rencontrés hier soir en boîte. Ok. L'engagement ne vous fera plus peur. Avec Mercedes-Benz Flex, l'allocation longue durée devient totalement flexible. Choisissez une Mercedes en juin 2018 auprès de Mercedes-Benz Financement et vous pourrez en changer dès 2019. Découvrez toutes nos offres chez votre distributeur lors des rendez-vous décisifs les 16 et 17 juin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Ouverture selon autorisation préfectorale. Parions sport. Et voilà, c'est fait! 6-0. Oui, 6 jolis zéros bien alignés après le chiffre 3 et qui donne un super pacte lotofoot de 3 millions d'euros à gagner ce vendredi. Oh là là, que c'est beau! 3 millions, oui, c'est très beau. Encore plus dans le match avec Paris en sport. Ce vendredi, ne manquez pas le super pacte lotofoot de 3 millions d'euros minimum. Montant partagé au rang 1 lotofoot 15. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bonjour, il est 6h30, c'est le Double Expresso RTL2 avant Bad Vols. Voici les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Elle est soupçonnée d'un double infanticide. La mère des deux fillettes retrouvées mortes dimanche dans un appartement de fonction d'une brigade de gendarmerie près de Lyon a été mise en examen pour assassinat hier soir. Elle a été placée en détention provisoire. Depuis son arrestation, elle nie être à l'origine du décès des enfants de 4 et 6 ans. On ignore encore les causes de leur mort. Des analyses toxicologiques sont en cours. Elle avait été enlevée fin 2016 au Mali. Sophie Petronin, 75 ans, dernière otage française dans le monde, est vivante. Elle apparaît dans une vidéo qui daterait d'il y a une semaine. On la voit s'adresser à son fils ainsi qu'au gouvernement et à Emmanuel Macron. Les retraités de nouveau dans la rue après deux premiers jours de mobilisation en septembre puis en mars. Neuf syndicats appellent à manifester aujourd'hui. Dans leur ligne de mire, toujours la défense du pouvoir d'achat et la hausse de la CSG. À Paris, le cortège partira à 14h30 de l'Opéra direction République. Eux aussi s'apprêtent à battre le pavé. La CGT et FO appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle nationale le 28 juin prochain. C'est également le 28 juin qu'est censé s'achever le mouvement de grève des cheminots contre la réforme ferroviaire. Et après l'Assemblée nationale hier, c'est le Sénat qui doit voter le texte en dernière lecture aujourd'hui. Les Britanniques en deuil, un an jour pour jour après la catastrophe. Londres rend hommage aujourd'hui aux victimes de l'incident de la tour Grenfell. 71 personnes étaient mortes dans l'immeuble de 24 étages ravagé par les flammes. La crise se poursuit entre Paris et Rome. L'Italie exige des excuses de la France après les critiques d'Emmanuel Macron concernant le sort des migrants de l'Aquarius. Le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, pourrait annuler sa visite prévue demain à l'Élysée. Le mondial 2018, c'est parti, hein ? 21e Coupe du Monde cet après-midi en Russie, à suivre à 17h après la cérémonie d'ouverture, le premier match de la compétition. La Russie face à l'Arabie Saoudite dans le groupe A. Demain, rencontre très attendue Portugal-Espagne dans le groupe B. L'Espagne qui se sépare de son sélectionneur. Lopetegui vient d'annoncer son départ pour le Real Madrid et ça passe mal. Ah oui. La météo, 12 départements du sud-ouest et du nord-ouest sont toujours en vigilance orange inondation ce matin. Il pleuvra encore sur les Pyrénées dans la matinée. Quelques averses sont également possibles le long des côtes de la Manche et sur les Alpes. Ailleurs, on attend de belles éclaircies en début de journée, mais l'après-midi, le ciel se voilera progressivement du sud-ouest au nord-est avec un risque de pluie des Pays de la Loire à la frontière belge. Les températures ce matin, il fait 11 degrés à Verdun, 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Boulogne-sur-Mer, 14 à Paris, Angers, Pau et Montpellier, 18 à Solenzara. L'après-midi, on attend 17 degrés à Lannion, 19 à Beauvais, 20 à Châteauroux, 22 à Paris, Strasbourg et Toulouse et 26 degrés à Toulon. 6h33, bonjour, c'est le double expresso RTL2. Justine, le premier winner du jour arrive. Oh, je vous ai trouvé le fan le plus fou, le plus dingue de ce mondial. Et on va le découvrir après Bad Vols et Zombies sur RTL2. Bon réveil. dans le double expresso RTL de 6h35. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Alors attention, foufou, c'est le premier winner du jour. Justine nous a dit, c'est le supporter le plus fou de ce mondial. C'est un foufou, c'est un dingo. Un winner trouvé sur ma chaîne étudiante.fr. Et il y en a qui seraient prêts à beaucoup, beaucoup, beaucoup pour assister à un match de foot. Notre winner, il s'appelle Lucas. Il est argentin, il est prof de sport, il a 30 ans. Et il a fait un périple, attention, écoutez bien, de 14 200 km en vélo pour assister à la Coupe du Monde en Russie. Mais t'es pas sérieuse. Et si, je suis complètement sérieuse. 14 200 km. Il est parti le 5 janvier dernier de Cordoba. Faut avoir du temps devant soi quand même. Oui, hein. C'est sûr. Et il a traversé 21 pays en vélo pour atteindre Moscou. Donc, je vous dis juste quelques pays. Ouais. Le Chili, le Pérou, le Panama, le Mexique, l'Espagne, la France, la Lettonie et donc la Russie. Il a réalisé ce périple pour deux raisons. Numéro un, pour supporter l'Argentine, bien sûr, à la Coupe du Monde. Mais aussi, c'est une bonne action pour lever des fonds, en fait, pour construire une école pour enfants handicapés dans sa ville natale de Toledo. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, l'exploit a duré 5 mois. Maintenant, il est arrivé à Moscou. Bon, bah, souci, il n'a plus qu'à trouver un petit billet pour le match de l'Argentine face à l'Islande qui aura lieu samedi. Ce qu'il a pas de billet. Place. Ah oui, il n'a pas de billet. Ouais, enfin bon, la sélection argentine peut-être va être au courant de ça. Ils vont l'inviter quand même. Bah, j'espère. Sinon, tu sais quoi, moi je vais te dire. J'envoie un texto à Messi, ça va pas traîner, il va lui filer une place. T'as des contacts, toi. Ah bah, tu sais quoi, regarde, vas-y, envoie la musique, envoie Super Grâce. Lionel, elle. Ah non, ça c'est maman, ça. Alors c'est avant. Qui fait du bien, une chanson feel good, c'était Alright, Super Grâce sur RTL de 6h40. Tiens, se faire du bien, c'est aussi être papouillé et partir faire du jacuzzi et des soins magnifiques. Hein. On vous offre ça dans le tube de la brosse à dents, là, dans 5 minutes. Un séjour à l'hôtel à 4 étoiles, Thalasso Spa, les flamants roses, ta canne en roussillon. 1000 euros à 32,28 et puis du son pop rock, no dot. It's my life. Et il y aura le tube de la brosse à dents RTL 2, Justine vous l'a dit, et Jonathan Donnel pour son top 3 tout de suite sur RTL 2. RTL 2.

6h45, ça rigole, bonne ambiance dans le studio. On est ravis d'être avec vous ce matin. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Du son pop rock avant le premier jeu, le tube de la brosse à dents. Voici Nada. It's funny how I find sur RTL2, It's My Life. RTL2, le tube de la brosse à dents. Allez, on va jouer ce jeudi 14 juin, s'ouvre avec la douce voix de Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Salut Virginie. Ça va? Bonjour, la douce voix, merci. D'habitude, j'ai une voix rock. Non, mais rock, R-O-C-K par rock. Vous voyez, avez une ça, très jolie voix. Oui. Voilà. Vous êtes du côté de Clamart, Virginie. Oui. Et je vois que vous êtes de bonne humeur dès le matin, là. Waouh. Oui, c'est normal, je suis avec vous, donc pour partir, faire des soins, me faire masser, me faire coconner, c'est très très bien. Ah ouais, à gagner aujourd'hui un séjour dans un hôtel 4 étoiles à Canet-en-Roussillon, vous avez 8 soins par personne, aïe, compris le petit-déj, l'hébergement de nuit pour deux personnes. Voilà, c'est et du beau luxe. On ne peut pas prendre les 8 et aussi pour l'autre personne, je ne peux pas garder les 7 soins. Ah bah, ça, vous arrangerez avec l'autre personne. Hey, vous vous débrouillerez, ça vaut 1000 euros, c'est à gagner avec Bruce Springsteen. Salut, Bruce. Salut, Bruce. Oh yeah. Eh ouais, je suis à la couleur bleu-blanc aujourd'hui, les gars, je suis au taquet. Ça, c'est les gens qui font ça dans les tribunes de Roland-Garros. Je pourrais... On en parlera un jour. Okay. Bon, Virginie, vous allez devoir découvrir ce que chante Bruce Springsteen. Go! Oh yeah. Alors, Virginie, c'est facile, hein? Oulala! Un groupe mythique! On le joue beaucoup, vite, vite, vite, donnez un groupe, vite! N'importe qui! Un groupe mythique, vite! Tout. Oui! Oui. Oh, oui. Oh, c'était sur le fil! Ah, mais merci! Et là, t'imagines? Niagara! Ah non, non, ça passe pas! Bravo, bravo Virginie! C'était vraiment Ah bah, le hasard a bien fait les choses. Il faut dire que sur RTL2, généralement, ça peut correspondre du tout. Il y a un moment, on est fait l'un pour l'autre. On vous embrasse, on vous souhaite plein de belles choses. Bonne papouille. Et vous nous enverrez une petite carte hein, de vos papouilles, bah tout oui. ça, tout ça. Oui. En peignoir. Hein, en peignoir. Virginie, gros bisous. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Oh, un très grand double expresso, là. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Sur RTL2, 6h54. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL2. C'est le moment de retrouver Jonathan, c'est une sorte de champion du monde. À nous, de l'humour. Il est là tous les matins. Bonjour Jonathan. Pourquoi pas? Bonjour Grégory, bonjour Justine et bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Et le champion va vous parler d'immobilier. L'autre, il y croit. C'était une vanne, hein? Ah oui, mais ouais, bon, il parle de lui à la troisième personne. Ouais. Au pied de la lettre. Vas-y, Alain Delon est là. Et bah, sachez, la ville de Marseille intègre enfin le top 10 des villes où il faut investir. Ah! Le top 10 des villes où il faut investir dans un gilet pare-balles. Oh. Cliché! Top 1 même, à mon avis. Moi, j'embrasse les Marseillais. Moi aussi, je les aime. Petite info insolite, un vol Jet2, c'est une compagnie aérienne, Jet2, entre Belfast et Ibiza, a fait une escale imprévue à l'aéroport de Toulouse, car un passager ivre a semé la zizanie.

Non, pour moi, tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8 900 euros, avec climatisation, radio CD, Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là, j'ai pas cru, quoi. Donc l'offre allait passer. Et là, c'est là que ça a basculé. J'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade, quoi. Des quoi? Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8 900 euros. C'est ça, 8 900 euros. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Jeudi matin, on ouvre la Coupe du Monde. Bonjour. Et bonjour à tous, bienvenue les 7h. Et c'est l'heure des infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. 4 ans après le sacre de l'Allemagne au Brésil, Moscou se met à l'heure du foot. C'est aujourd'hui que débute la tant attendue Coupe du Monde. Au programme, un mois de football donc, avec pour débuter cet après-midi à 17h, Russie, Arabie Saoudite après la cérémonie d'ouverture. Les Bleus, eux, entreront dans le bain de la compétition samedi midi face à l'Australie. Rendez-vous après avec le Pérou puis le Danemark. Une nouvelle preuve de vie de Sophie Petronin. Il s'agit d'une vidéo de 7 minutes dans laquelle apparaît l'otage français de 75 ans enlevée il y a un an et demi au Mali, où elle dirigeait une association d'aide aux orphelins. Elle s'adresse à son fils ainsi qu'à Emmanuel Macron. Rien ne permet de dater le film, mais Sophie Petronin affirme que l'enregistrement a été réalisé il y a une semaine. Dernière ligne droite pour la réforme ferroviaire. Hier, le projet de loi a été voté en dernière lecture à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est le Sénat qui doit l'adopter définitivement. Les syndicats de cheminots veulent poursuivre le mouvement jusqu'au 28 juin, dernier jour du calendrier des grèves. De leur côté, la CGT et Force ouvrière appellent à une journée de mobilisation nationale. L'heure est au bilan après les orages de ces derniers jours. Il ne reste plus que 12 départements du nord-ouest et du sud-ouest en vigilance orange pour des risques d'inondation. Le temps est à la calmie, mais les dégâts sont considérables par endroits, principalement dans les Pyrénées-Atlantiques. Des centaines de foyers ont été privés d'électricité, des dizaines de personnes ont dû être relogées et certaines communes sont encore submergées par les eaux. À l'étranger, Israël, dans la ligne de mire de l'ONU, l'Assemblée générale des Nations unies, réunie en urgence, condamne l'usage excessif de la force contre les civils palestiniens à Gaza. Elle demande la mise en place d'un système de protection internationale dans les territoires occupés. Et puis pas de sanctions contre le PSG. Paris, dans le collimateur de l'UEFA depuis le mercato de l'été dernier, le recrutement de Neymar et de Mbappé n'a pas été sanctionné. Le dossier a été classé sans suite, mais le club de la capitale va devoir vendre des joueurs d'ici au 30 juin s'il ne veut pas être en difficulté financière la saison prochaine. Face à la météo, 12 départements, on le disait, sont toujours en vigilance orange inondation ce matin dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Aujourd'hui, le temps restera instable. Il va pleuvoir encore sur les Pyrénées dans la matinée. Quelques gouttes sont également possibles le long des côtes de la Manche. Ailleurs, on attend globalement de belles éclaircies en début de journée seulement, puisque l'après-midi, le ciel se voilera progressivement du sud-ouest au nord-est, avec là aussi un risque d'averse des Pays de la Loire à la frontière belge. Les températures ce matin, il fait 10 degrés à Lille, 12 à Colmar, 13 à Lyon, 14 à Paris et au 15 degrés à Avignon et Arcachon, 18 à Bastia. Cet après-midi, on attend 18 à Rennes, 19 à Amiens et Épinal, 22 à Paris et Montauban et 25 à Nice. 7h03, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Allez, bon réveil, Sainte-Élysée. Si vous croisez une Élysée, faites-lui une bise de notre part. C'est évidemment la journée d'ouverture de la Coupe du Monde. On va y revenir comme ça par petites touches de manière décalée. Bah, ça fait soir. Plaisir. Exactement. Ça met de bonne humeur. C'est tous les 4 ans, c'est rare. Bah, c'est Muse sur RTL2. Identity, fragments and scattered debris. Fall down, learn when to count it out. Pop me up before I black out. Withdraw before you're out of time. A clean slate and RTL avec Muse, Tough Contagion, prochain album de Muse, notez la date, 12 novembre prochain. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. Oh, je suis chaud patate, mais chaud patate. C'est l'ouverture de la Coupe du Monde. J'attends ça tous les 4 ans, j'ai en train de danser. Calme-toi. Il y a Gonzague, notre stagiaire, qui est en train de décorer le studio. Il galère, le pauvre, à mettre des drapeaux partout. C'est trop mignon. Fais ça avec tes mains, pas avec tes pieds. Il là, est trop chaud. C'est terrible. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Bonjour. Jonathan O'Donnell, Max, notre community manager, qui vous poste des photos. On est aux couleurs de l'équipe de France. On a le drapeau, le maquillage, tout. T'as un maillot aujourd'hui, c'est bien. Je me suis acheté un petit maillot et j'ai une couronne de fleurs. Ouais, et moi j'ai le maillot blanc, d'ailleurs, vous verrez la photo. Il est pas mal ce maillot blanc, moi, j'aime bien. Le bleu est très beau de l'équipe de France, c'est souvent en débat. Évidemment, une émission avec... tout ce que vous attendez, hein. L'horoscope à 7h25, la chanson du jour à 7h35, la banque RTL 2 des séjours pour deux personnes en résidence Bio Resort à gagner, les savoirs inutiles. Mais aujourd'hui, en plus de la Coupe du Monde, Justine, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. On en a parlé hier, on en reparle, c'est important. Bah oui, parce que toute la semaine, vous savez, il y a des points de collecte pour accueillir le plus grand nombre de donneurs, et puis il y en a forcément une près de chez vous. Vous retrouvez tous les renseignements sur dondesang.efs.santé.fr. On vous met le lien sur la page Facebook. Il faut évidemment vous alliez donner si vous pouvez le faire. 10 000 dons sont nécessaires par jour. Les chiffres qu'il faut retenir, c'était 10% de donneurs en plus l'an dernier. Essayons de faire mieux cette année. Oui. Voilà, évidemment, c'est la journée mondiale des donneurs de sang et il fallait en parler impérativement dans ce double expresso RTL 2. Tiens, c'est bon ça, le son pop rock des années 90 de Skunk Anansie aussi, Hedonism. To play the same moves now, or on a special move for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you hurt, it doesn't make you right. you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Skunk Anansi, Hedonism sur RTL2 en 96 sur l'album Stouche. Mais quelle merveille! Franchement, bah je sais, je m'enthousiasme, vous allez me dire oui, il est là, il met du superlatif, bah c'était bien. Voilà. Oui. Et c'est seulement chez nous. Jérémy était content en manette. C'est quoi, t'es touchant, Greg? Bah ouais, mais quand je suis content, je le dis. Tu Toto, hold the line. Non, je t'émeux. Oui, bah tu me touches, tu m'émeux. Oh. Ouais, c'est pas pareil. Oh, mais qu'il est lourd! Bah, oui. C'est pas possible. Je vais garder mon job, moi, hein, j'ai rien fait. Hein. Et donc Toto pour le son pop rock, on parlera des chiffres insolites de la Coupe du Monde. Pour ceux qui sont au travail, on a le bon plan pour vous dire comment regarder les matchs. À tout de suite sur RTL2. Lorsque vous écoutez Coldplay, vous êtes sur RTL2. RTL2 vous a fait découvrir James Arthur. Les Cranberries, c'est forcément RTL2. RTL2. The Pop Rock Radio. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle de notre jolie peau sous le soleil. Le soleil peut entraîner l'apparition de taches qui, contrairement au bronzage, ne partent pas. Heureusement, il y a le sérum Vino Perfect de Caudalie, dont l'efficacité sur tous les types de taches est reconnue par des dermatologues. Appliquez-le sous votre crème solaire, vous aurez un bronzage lumineux, durable et sans taches. En ce moment, pour l'achat d'un sérum Vino Perfect, numéro 1 des antitaches en pharmacie, un soin solaire visage IP50 offert, en pharmacie et parapharmacie participante, dans la limite des stocks disponibles. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 6 490 €. C'est une 5 portes ? Oui, 6 490 € avec 5 portes et vitres avant électriques. Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve, madame. Fiat Panda est à partir de 6 490 €, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin sur Panda 1 litre 2, détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique? Pareil. Frigo dans les accoudoirs? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. La lumière est divine sur le porto vecchio. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. La main sur de ta peau. Ah. Tu m'as lâché la main sur le Porto Vecchio. J'ai souri au venin qui me brûlait le dos. Nous avons posté sur Instagram, si vous avez les réseaux sociaux, l'explication de Justine pour le hors-jeu. Oh non, hey, tu vas pas commencer. C'était très bien. Je connais la règle du hors-jeu, c'est dur à expliquer, oui, c'est tout. Mais au cricket, visiblement, pas au football. Oh, ça m'agace. T'as compris, Jonathan, toi, l'explication? Pas du tout. Tout ça est sur nos réseaux sociaux. Vraiment de mauvaise foi. Voici Toto, Hold the Line sur RTL2. All the Line sur RTL de 7h20. L'info expresso RTL 2. Attention, c'est une trompette. Je vais vous dire comment suivre les matchs. Je suis pas bon en trompette. Comment suivre les matchs? Tout ça, plein d'infos essentielles pour la Coupe du Monde. Ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Et Justine, on a beaucoup travaillé. Et on a trouvé des choses très intéressantes sur leparisien.fr. Alors on y va. Est-ce qu'on peut par exemple regarder légalement des matchs au travail? Alors, non. Si vous ne travaillez pas chez RTL2, non. Oui. Mais c'est possible sur les temps de pause. Mais votre temps de travail, vous êtes en théorie là uniquement pour travailler, simplement. Après, il y a une tolérance. Regarder le score, une action de temps en temps, c'est pas comparable à suivre le match en entier, on est d'accord. D'accord, a priori, on n'a pas le droit donc de prendre 1h30. Alors, est-ce qu'on peut vous couper l'accès à certains sites? Tu parles que de foot, hein? Bah oui. Oui. Votre patron peut configurer les ordinateurs de la société pour vous empêcher de regarder les matchs. Oui, légalement, il a le droit. Ah ouais. Il le fait déjà peut-être pour d'autres sites. Ah oui? Est-ce qu'on peut poser une RTT pour un match, Justine? Oui, bah oui, et puis nous, il y en a dans la boîte qui font ça. Hein. Ah bon? Vous n'avez pas à justifier une journée de RTT. Le salarié est libre de ses activités, bien de son sûr. Temps de repos, il choisit, donc oui, bien sûr. Voyez, on vous pose plein de trucs, on a l'impression d'être un peu dans sans aucun doute. On est toute une équipe d'avocats. Est-ce qu'au travail, non mais alors ça c'est pas mal, est-ce qu'au travail on peut mettre un maillot des Bleus? C'est ce que j'ai aujourd'hui. Ah bah alors ça dépend. Si vous travaillez dans un bureau qui n'a pas de relation physique avec des clients, en gros si tu n'as pas des gens qui viennent payer, tu es entre collègues, tu peux. Par contre, si évidemment t'es en contact avec des gens qui sont extérieurs au bureau, bah c'est pas recommandé parce que ça fait pas partie de la tenue de travail de tous les jours. Un mot quand même si vous pariez, parce qu'il y a souvent plein de sites de pronostics. On parie nous évidemment entre collègues, entre collègues, Jonathan, Max, Jules, Gérard, tout le monde, Justine évidemment, on parie tous. En fait, s'il y a pas d'argent, c'est légal. Si vous mettez de l'argent en jeu, c'est illégal. Vous avez pas le droit de vous retrouver et de faire des sortes de paris clandestins. Voilà, sachez-le. Je suis en train d'imaginer notre directeur général avec un maillot des Bleus. Bon bah, tu sais, ça lui irait très bien. Ah ouais. Comme ça. Non, mais c'est vrai, tu peux pas mettre partout. Manu Chao, me gustas tu dans le double expresso RTL2. Tu es la seule maître de tes propos, je tiens à le dire. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Manu Chao, me gustas tu sur RTL2 à 7h25. Voici l'horoscope de ce jeudi 14 juin. Bon réveil, on attaque avec les médailles de bronze. Et les béliers, Greg. Vous vous énervez facilement, bélier. Pas besoin de crier pour vous faire entendre. Et les lions. Hein, Justine. Vous êtes souvent en retard, ne jouez pas trop avec les nerfs de votre entourage. Médaille d'argent pour les taureaux. Votre vie est pleine d'action ces derniers temps, mais vous aimez ça. Les cancers. Vous êtes très présent pour vos proches, vous êtes toujours à leur écoute. Vierge. Vous mettez l'ambiance autour de vous, votre bonne humeur fait du bien aux autres. Les balances. Vous vous sentez bien dans votre corps, le sport vous vivifie. Scorpion. La chance vous sourit, tous vos projets sont en passe de se réaliser. Les Sagittaires. Vous avez la tchatche, votre répartie vous sert à vous tirer de toutes les situations. Capricorne. Vous faites attention à votre apparence et ça vous réussit, vous êtes radieux. Les Verseaux. Vous avez du pain sur la planche, mais il en faut plus pour vous impressionner. Poisson. Vous êtes à l'écoute de votre entourage, cela vous permet d'être très facile à vivre. Et enfin, médaille d'or aujourd'hui pour les Gémeaux, ton signe. Et ben voilà, votre journée se déroulera sans aucun accroc, laissez-vous porter et profitez du son pop rock de Genesis. I Can Dance, il y aura également ma chanson du jour à 7h35 et puis on vous offre des séjours Beo Resort d'une valeur de plus de 1 600 € dans la banque RTL2 à 7h45. RTL2 vous invite au mythique festival américain Lollapalooza, samedi 21 et dimanche 22 juillet à Paris. Deux jours, quatre scènes et 50 artistes. Depeche Mode, Gorillaz, The Killers, Ragan Bone Man, Noel Gallagher's High Flying Birds, Portugal Demain, Kaleo.

La crise se poursuit entre Paris et Rome. L'Italie exige des excuses de la France après les critiques d'Emmanuel Macron concernant le sort des migrants de l'Aquarius. Le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, pourrait annuler sa visite prévue demain à l'Élysée. Le Mondial 2018 en Russie, c'est parti ! À suivre à 17h, heure française, le premier match de la compétition. La Russie affronte l'Arabie Saoudite dans le groupe A. Demain, rencontre très attendue Portugal-Espagne dans le groupe B. L'Espagne qui se sépare de son sélectionneur, Julen Lopetegui, vient d'annoncer son départ pour le Real Madrid après le tournoi. La météo, ce sont désormais 11 départements du sud-ouest et du nord-ouest du pays qui sont en vigilance orange inondation. Ce matin, il va encore pleuvoir sur les Pyrénées. Quelques averses sont également possibles le long des côtes de la Manche et sur les Alpes. Ailleurs, on attend de belles éclaircies en début de journée. L'après-midi, le ciel se voilera de nouveau progressivement du sud-ouest au nord-est avec là aussi un risque de pluie des Pays de la Loire à la frontière belge. Les températures ce matin, elles continuent de baisser légèrement. 12 degrés à Metz et à Grenoble, 13 à Valenciennes, 14 à Paris, Angers et Pau, 16 degrés à Nîmes, 18 à Ajaccio. L'après-midi, on attend 18 à Brest, 19 à Château-Thierry, 20 à Tours, 22 à Paris, Strasbourg et Auch et 26 à Toulon. 7h32, salut à tous et bienvenue dans le Double Expresso. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Alors évidemment, aujourd'hui la Coupe du Monde s'ouvre en Russie. On en parle dans l'émission avec des chiffres, des insolites. Même si vous n'aimez pas le foot, vous en faites pas. Non, on rentre pas dans les détails. On va s'occuper de vous. Genesis, I Can Dance sur RTL2. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat. Gators getting close, hasn't got me yet. I can dance, I can sing. I'm just standing here selling. Oh, and checking everything is in place. You never know who's looking on. Can Dance sur RTL2. RTL2, la chanson du jour. 7h35, et là je sens que je vais faire un carton au sein de l'équipe parce qu'ils ont découvert ma chanson du jour il y a quelques secondes et j'ai entendu des... Oh, j'adore. Oui, Actor moi, Studio. Non, Studio. Franchement, c'est une chanson que je connais depuis des années, j'adore. On parle du groupe The Do et la chanson, évidemment, vous la connaissez, c'est On My Shoulders. Alors, c'est un groupe français avec Dan et Olivia. Olivia qui est franco-finlandaise. Leur premier album a été un coup de maître. Ils ont été numéro 1 directement. Ça a été un succès total en 2007. Eux, ils ont commencé à travailler ensemble en 2004. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup de musique de film. Beaucoup de BO pour The Do. Alors, pourquoi The Do? Pourquoi D.O.? Parce que vous savez, si vous connaissez le groupe, il y a un O barré. Alors, on dit comme elle est finlandaise, ça vient de là. Sauf que non, pas du tout. Dans l'alphabet finnois, il n'y a pas ce O barré. C'est juste le D de Dan et le O de Olivia. Simplement. Voilà, tout simplement. C'est plutôt malin. Victoire de la musique en 2015, album rock de l'année. Là, on est en 2007 sur leur premier album. La chanson, c'est On My Shoulders. L'album, c'est Mossfall. C'est du pop folk rock indépendant. Et on adore. Voici The Do. C'est ma chanson du jour à 7h36. On My Shoulders sur RTL2. Shoulders, The Do sur RTL2, c'était ma chanson du jour. On a tous chanté dans le studio, c'était bien. 7h40, on va jouer. On va jouer au jeu de la banque, appelez-nous au 3228 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Et on écoutera Indochine. L'aventurier sur RTL2, restez avec nous. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Cette semaine, dans le Vive RTL2, on vous invite au concert d'un groupe mythique, les Rolling Stones. Vous jouez avec nous au Blind Test du Drive à 17h30 et on vous offre le concert des Stones. Ça va se passer le 26 juin au Stade Orange Vélodrome de Marseille et RTL2 s'occupe aussi du transport et de l'hébergement pour aller voir

début de journée, il est 7h46, c'est le double expresso RTL2. Je sais que certains viennent à l'instant de se réveiller et vous allez arriver pile poil au moment de la banque RTL2. Oui, vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros si vous nous appelez au 3228. C'est arrivé à Déborah la semaine dernière. Ouais. On revit de temps en temps ce moment, c'était assez génial quand même, on était comme des fous. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Enfin, comme dit la pub du loto à l'époque, en fait, surtout. Voici Indochine, l'aventurier sur RTL2.